toute première sonde européenne à destination de Mercure doit quitter la Terre. Et ce sera seulement, d'ailleurs, la troisième mission à destination de la première des planètes de notre système solaire. Une planète finalement assez mal aimée, d'autant plus qu'elle recèle son lot de mystères à percer, au premier rang desquels celui de sa structure intérieure et de sa densité. Mercure posséderait un énorme noyau de fer, bien plus gros proportionnellement que celui de la Terre, alors qu'elle fait un tiers de sa taille. Autre énigme, celle de sa magnétosphère qui interagit avec le vent solaire tout proche. Bref, Mercure, la mal connue, a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Mercure, la petite planète qui grimpe, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. On avait un débat dans l'équipe sur Mercure, la petite planète qui grimpe, le Mercure qui grimpe. Bon, c'est pas forcément extraordinaire. En tout cas, on va parler de Mercure aujourd'hui et de cette planète des extrêmes en compagnie de François Leblanc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au LATMOS, le laboratoire atmosphère, milieu et observation spatiale. Nous devrions être rejoints dans quelques minutes par Alain Doresoundiram qui est bloqué dans les embouteillages. Vous avez tous les deux travaillé sur cette mission Bepi Colombo qui va partir donc dans une dizaine de jours. Et vous avez travaillé sur différents instruments embarqués. Vous nous en parlerez l'un et l'autre tout à l'heure. Vous pouvez suivre cette émission en direct, en différé, en réécoute sur le site franceculture.fr, en podcast sur votre application préférée et évidemment, comme toujours, en parallèle sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors pour commencer, je le disais dans l'introduction à l'instant, seules deux missions pour l'heure sont allées étudier Mercure, Messenger récemment, puisque c'est une mission qui s'est conclue en 2015, et Mariner 10 bien longtemps auparavant, au milieu des années 70. Écoutez ce qu'en dit Jean-Claude Péker, c'est le directeur de l'Observatoire de Nice, et nous sommes en 1963. Les prouesses techniques qu'implique le lancement de Mariner sont considérables. C'est la première liaison à très très grande distance. On est arrivé à conserver la liaison jusqu'à une distance de près d'une centaine de millions de kilomètres. C'est déjà tout à fait un record très largement supérieur à ce qu'on faisait avant. Il est hors de doute pour moi que ce n'est qu'une première expérience d'une longue série d'expériences pleines de succès. Lorsque, dans une quinzaine d'années, et on pensera à Mariner, on dira que c'est une fusée qui ne nous a sans doute pas apporté des choses très nouvelles. On oubliera sans doute les résultats scientifiques qu'elle a apportés, puisque ces résultats seront largement dépassés par ce qu'on connaîtra à ce moment-là. Mais on conservera de cette fusée l'idée que ce fut une fusée, disons, Christophe Colomb. Voilà, une fusée Christophe Colomb, Mariner 10, François Leblanc. C'est vrai que, voilà, elle parle de la Terre en 73 et on va très très loin pour la première fois. Jusque-là, on allait sur la Lune, mais pas beaucoup plus loin. Oui, et puis on va surtout très très près du Soleil. C'est bien ça qui caractérise Mariner 10 et c'est ça qui aussi caractérise la difficulté d'aller autour de Mercure, d'où effectivement le peu de missions jusqu'à maintenant qu'on a réussi à envoyer autour de cet objet. Quelles sont justement les contraintes aujourd'hui en 2018, alors qu'on parlait de Parker Solar Probe il n'y a pas très longtemps? Ça veut dire qu'on peut s'approcher du Soleil maintenant, on en a les moyens techniques. On a les moyens techniques. Mais bon, Parker Solar Probe a été le sujet d'un développement d'un bouclier thermique extrêmement coûteux, extrêmement difficile à réaliser. Et Bepi Colombo, de la même manière, a impliqué beaucoup de développement technologique pour justement s'assurer que ce satellite fonctionnera ainsi que tous les instruments à bord. Parce que Bepi Colombo, pour le dire en deux mots, on en reparlera tout à l'heure, il va arriver dans combien de temps et il va s'approcher finalement à quelle proximité du Soleil? Alors, il va s'approcher à la distance de Mercure au Soleil, c'est-à-dire à peu près un tiers de la distance entre la Terre et le Soleil. Et donc, il devrait partir effectivement dans 10 jours. Pour s'approcher, il va mettre 7 ans pour arriver, pour parcourir cette relativement petite distance qu'on fait beaucoup plus rapidement quand on va dans l'autre direction. En l'occurrence, là, on doit s'approcher très très lentement pour pas aller trop vite et pas être attiré par le Soleil. On doit pouvoir ralentir quand on s'approche de Mercure. Et pour ça, on va avoir une trajectoire extrêmement compliquée avec beaucoup de rotation autour du Soleil. Alors, expliquez-nous justement un peu, parce qu'on parlait de Parker Solar Probe il n'y a pas très très longtemps, et on se disait disais, Parker Solar Probe va arriver dans la proximité du Soleil, là, en quelques semaines à peine. Alors pourquoi est-ce qu'il faut quelques semaines pour une sonde comme Parker? Et pourquoi est-ce qu'il faut 7 ans pour une sonde comme Bepi Colombo? L'idée de Parker Solar Probe, c'est d'aller très vite et de passer, on va dire, même assez vite à côté du Soleil pour ne pas y rester, pour ne pas justement chauffer trop, brûler. Et donc l'objectif de Parker, c'est de frôler le Soleil, mais très rapidement. L'objectif de Bepi Colombo, c'est de s'approcher de Mercure et de se mettre en orbite autour de Mercure. Donc il faut arriver finalement à se mettre à la vitesse de Mercure lorsqu'on va s'insérer autour de Mercure. Et donc il faut ne pas y aller trop rapidement, ralentir quand il faut et s'approcher lentement, très lentement de Mercure pour y arriver correctement. Et pour éviter l'attraction gravitationnelle du Soleil et de se faire... Toujours l'idée effectivement de... Si on va trop vite, on ne va pas pouvoir s'arrêter au niveau de Mercure et on va aller vers le Soleil et on n'est pas équipé pour faire comme Parker Solar Probe pour passer près du Soleil. Alors on va reparler de cette mission Bepi Colombo tout à l'heure. Peut-être un mot un peu historique avant de parler de Mercure et d'en dresser une sorte de carte d'identité de ce qu'on connaît. Il faut dire qu'il y a quelque chose de particulier aussi vis-à-vis de Mercure, c'est que non seulement c'est compliqué d'y aller, mais c'est aussi très compliqué de l'observer depuis la Terre. C'est un petit peu toujours la même raison, c'est comme c'est un objet qui est très proche du Soleil, lorsqu'on le regarde avec un télescope, eh bien on a le Soleil qui est vraiment très très proche de l'objet, et donc la plupart du temps ce qu'on fait c'est qu'on attend que le Soleil se couche, et donc ça veut dire qu'on a au mieux une petite demi-heure pour voir Mercure avec les télescopes qu'on utilise, et donc c'est effectivement un objet qui n'a pas été beaucoup observé depuis la Terre à cause de ces raisons-là. Il y a eu quand même pas mal d'observations qui ont été réalisées, parce que les scientifiques ont toujours trouvé des méthodes pour s'affranchir un petit peu du Soleil. Le problème, c'est qu'évidemment, que si on attend le lever ou le coucher du Soleil pour observer Mercure, on est très très bas dans l'atmosphère, donc il y a beaucoup de problèmes d'observation liés justement... Absolument, on va traverser la lumière émise que l'on cherche à capter la lumière émise par Mercure, va traverser une couche d'atmosphère terrestre extrêmement épaisse, la plus épaisse qu'on puisse, puisqu'on va vraiment viser à l'horizon, et effectivement, le signal qu'on obtient est passablement absorbé par l'atmosphère terrestre. Et donc, pas souvent facilement exploitable. Je parle sous votre contrôle pour que les auditeurs réalisent de quoi on parle en termes de proximité, que Mercure ne s'écarte jamais de plus de 27 degrés du Soleil. 27 degrés, pour qu'on se rende compte, c'est l'écart entre les deux montres d'une aiguille quand il est une heure. Absolument, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est absolument ça. Et donc ça veut dire qu'en général, on peut regarder Mercure, il faut mieux pas le regarder quand le Soleil est proche, évidemment. Mais on le voit, mais il est très bas à l'horizon, effectivement. Au mieux 20 degrés au-dessus de l'horizon. Ce qui fait que historiquement, Mercure est une planète qui a été observée relativement tardivement, mais dont on n'a pas su grand-chose avant très tôt dans l'histoire de par rapport au présent, je veux dire. Absolument, absolument. Elle a été découverte par quand même. Enfin, elle a été vue par les Grecs, mais effectivement, on n'en savait pas grand-chose. On a par exemple l'orbite de Mercure a été vraiment caractérisée dans les années 60 uniquement. Donc effectivement, c'est un objet qu'on a mis du temps à découvrir, qu'on continue à découvrir, notamment à travers ces missions. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10, nous parlons donc de Mercure et de cette nouvelle mission qui va partir à sa découverte, la troisième depuis l'histoire de l'exploration spatiale, la mission Bepi Colombo, qui est une mission européenne et japonaise conjointe sur laquelle nos invités du jour ont travaillé sur l'instrumentation des deux sondes qui vont se mettre en orbite autour de la surface de Mercure. François Leblanc qui est avec nous ici et Alain de Resundiram qui ne devrait pas tarder à arriver à nous rejoindre. Peut-être qu'on peut faire une sorte de carte d'identité de cette première planète après le Soleil. François Leblanc, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de Mercure? Comment est-ce qu'on la définirait? Alors Mercure, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est une petite planète, à peu près du rayon de la Lune, avec une surface qui ressemble également à peu près à la Lune, donc une surface sans traces de tectonique actuelle, on va dire peu active, et par contre, c'est un objet dont la masse volumique est très importante, c'est-à-dire que si vous prenez son volume et si vous prenez sa masse, elle est beaucoup plus grande par rapport à son volume que ce que n'est la Terre par rapport au sien. Et ça veut dire en gros que la Mercure est une grosse planète, très lourde. Donc en termes de composition, elle est très atypique dans le système solaire quand on la compare aux quatre autres planètes telluriques proches du Soleil, c'est-à-dire Mars, Vénus et la Terre. C'est vraiment la plus lourde de ces quatre objets. Et donc ça nous dit des choses sur son devenir, son histoire, et puis ça nous suggère que également on a tout intérêt à aller la voir parce que elle est aussi caractéristique du disque protoplanétaire proche du Soleil et de sa composition en particulier. C'est-à-dire de l'origine du système solaire et de la façon dont les planètes, et notamment les planètes telluriques, se sont formées. Absolument. Il y a 4 et quelques milliards d'années, petites par la taille, grosses par la masse. Peut-être qu'on peut redire, on va saluer Alain Doré Sundiram qui est en train de s'installer et qui nous a rejoint. Merci beaucoup d'être ici, Alain Doré Sundiram. Je rappelle que vous êtes astrophysicien au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique de l'Observatoire de Paris, qui est aussi Université Paris Sciences et Lettres. Peut-être qu'on peut dire, c'est un tiers de la distance Terre-Soleil, c'est cela, François Leblanc ? C'est ça. Voilà, donc ça veut dire en termes de millions de kilomètres, un tiers d'une unité astronomique. Ça veut dire à peu près 50 millions de kilomètres. D'accord. Mm-hmm. Voilà, pour donner une idée à nos auditeurs, puisqu'on comparait tout à l'heure avec Parker Solar Probe va s'approcher à 6 millions de kilomètres du Soleil au plus près, pas tout de suite, hein, après avoir fait plusieurs tours du Soleil. Sur cette carte d'identité, en quelque sorte, de Mercure, Alain Doré Sundiram, on a longtemps cru, à tort, que Mercure présentait toujours la même face au Soleil. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Oui, on a longtemps cru parce que Mercure est très proche du Soleil, donc tout comme la Lune très proche de la Terre, on pensait que par des effets de marée, Mercure présentait toujours la même face au Soleil. En fait, il s'avère que c'est aussi une espèce de blocage gravitationnel, on appelle ça un effet de marée. Et en fait, pendant que Mercure tourne autour du Soleil, elle fait 3 tours autour du Soleil, eh bien, elle tourne sur elle-même en 2 tours. Ou l'inverse, voilà. Alors, c'est-à-dire, il faut essayer de le visualiser parce que c'est pas très simple à comprendre. Effectivement, il y a une drôle de rotation et de révolution de Mercure autour du Soleil. C'est-à-dire que les années sont plus courtes que les jours. C'est ça. En fait, une journée de Mercure, c'est 2 années de Mercure. C'est-à-dire, donc Mercure met 2 années à faire un jour. Voilà. Et donc, ça veut dire également que l'heure locale, l'heure est très très longue par rapport à celle de la Terre. Comment est-ce qu'on explique justement ce décalage entre la période de révolution et la période de rotation de Mercure ? Aujourd'hui, on a des explications. On a des explications sur ce qui peut avoir généré cette résonance 3,5 comme on l'appelle en termes d'orbital. Il y a eu quelques explications pour dire comment un objet comme ça a pu se retrouver dans une telle résonance. C'est effectivement des effets de marée combinés à l'orbite un petit peu particulier de cet objet. Intéressant, l'orbite un peu particulier. Effectivement, autre particularité de Mercure, c'est l'excentricité orbitale qui est très très très importante. Qu'est-ce que ça veut dire, Alain Doré Sundiram ? Ça veut dire, donc c'est une excentricité, un chiffre entre 0 et 1, une excentricité de 0,2. Ça veut dire que son orbite s'écarte par rapport à la circularité, une orbite circulaire, de 20%. Ça veut dire simplement aussi que, eh bien, il y a un point au plus près et au plus loin du Soleil. Donc il y a vraiment une différence entre le périhélie qui est le point le plus proche et l'aphélie. Donc il y a une espèce de saison finalement sur Mercure entre un point très chaud et un point un peu moins chaud, parce que de toute façon sur Mercure il fait toujours très très chaud. Oui, d'ailleurs on n'en a pas encore parlé, mais justement la température de surface de Mercure, quelle est-elle ? Alors la température de surface côté jour c'est 430 degrés et côté nuit c'est à peu près moins 180 degrés. Et on a cet extrême en température parce que Mercure est dépourvu d'atmosphère, quasiment aucune atmosphère. Et l'atmosphère, comme vous le savez, sur Terre, c'est un petit peu la couverture chauffante de notre planète. Et comme Mercure n'en a pas, eh bien, on a un extrême gradient de température entre le jour et la nuit. Presque 700 degrés. Donc c'est énorme. Alors que sur Terre, c'est 150 degrés. Vous voyez ? Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que, justement, en fonction de ce périhélie et de sa proximité, ça varie vraiment énormément. On passe de 46 millions de kilomètres à 70 millions de kilomètres. C'est un variant très très important pour qu'on se rende bien compte. Il y a aucune autre planète aussi dans le système solaire qui ait ce type de d'excentricité, non, François Leblanc. Absolument aucune. Et c'est vraiment effectivement la planète dont l'excentricité est la plus grande. Et on pourrait aussi illustrer l'orbite de Mercure un petit peu d'une manière différente. C'est que il y a un phénomène très intéressant au point le plus proche de la planète par rapport au Soleil. C'est l'inversion du mouvement du Soleil apparent dans le ciel de Mercure. C'est-à-dire que si vous étiez à la surface de Mercure, vous regardiez le Soleil, à un moment de l'orbite de Mercure, vous verriez le Soleil s'arrêter et faire un mouvement rétrograde et dans le ciel. Repartir dans l'autre sens. Et donc ça, c'est très spécifique à Mercure également, de par son orbite et de par cette excentricité. Mercure est aussi bien connu des amateurs éclairés de physique, et notamment de grandes théories de la physique, puisque c'est justement grâce à l'orbite de Mercure que Einstein a pu démontrer finalement en quelque sorte la théorie de la relativité d'Einstein. Pourquoi ? Oui, tout à fait. Alors les orbites autour du Soleil sont des ellipses en général. Donc dans le cas de Mercure, c'est une ellipse fortement accentuée. Et d'après la théorie des planètes, des perturbations, on sait que le point au plus proche, le périhélie, évolue par des perturbations avec les planètes. Sauf que il y avait un mystère qui est résidé avec Mercure, c'est que cette évolution du périhélie était beaucoup plus rapide que ne le prédisait la théorie de Newton, tout simplement. Et c'est Einstein, en 1915, qui, par sa nouvelle théorie, la théorie de la relativité générale, arrive à expliquer, c'est une démonstration éclatante de cette théorie. Et si je peux rajouter une chose, c'est que la mission BepiColombo, justement, elle sera dotée de deux instruments qui va permettre, non pas de vérifier, mais en tout cas de préciser encore mieux la validité de cette théorie en mesurant avec en faisant des mesures avec une précision jamais atteinte. Cette avance du périhélie. L'avance du périhélie qu'on explique justement par la proximité avec le Soleil, c'est-à-dire l'influence de la masse de la puissance de gravitation sur le continuum espace-temps. C'est ça. C'est cet effet-là qui a été suggéré par Einstein pour expliquer cette avance du périhélie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à cette carte d'identité, qui est une première carte d'identité un peu résumée, peut-être un peu rapide, mais néanmoins qui permet de voir un peu ce que l'on sait et aujourd'hui l'état de nos connaissances, avant d'arriver au point qui commence à poser question, parce que on a vu qu'il y avait déjà un certain nombre de choses un peu étranges autour de cette planète Mercure. On va maintenant commencer à se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas tout à fait et dont la mission BepiColombo doit nous permettre de mieux comprendre, ou en tout cas définir les contours. Peut-être un mot sur le noyau de Mercure, qui est une vraie étrangeté, Alain Doré Sundiram, dans le système solaire et dans les planètes telluriques telles qu'on les connaît aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc Mercure, c'est une planète rocheuse, on appelle une planète tellurique, donc tout comme la Terre, à une surface solide. Et quand on regarde l'intérieur de ces planètes rocheuses, Mercure se distingue puisque son noyau est beaucoup plus important que les autres planètes rocheuses. Dans le cas de la Terre, de Vénus et de Mars, la proportion du noyau par rapport à l'ensemble de la planète, c'est 30%, 30 à 40%. Dans le cas de Mercure, c'est jusqu'à 60%. Donc ce qui fait dire que Mercure, c'est surtout une planète de fer, la planète de fer. Et ça, c'est une étrangeté, vous avez raison, par rapport aux autres planètes rocheuses du système solaire. Et c'est d'autant plus une étrangeté, François Leblanc, que si le noyau, et ça a été confirmé notamment par la mission Messenger, que si le noyau de Mercure est effectivement bien un noyau de fer, en revanche, à la surface de la planète, pour le coup, il n'y a quasiment pas de fer, ce qui est là aussi très très étrange par rapport à ce qu'on sait, surtout principalement de la Terre et de Mars. Et en fait, ça fait partie des questions qu'on se pose, évidemment, c'est sur le comment s'est formée cette planète, qu'est-ce qui a fait que effectivement le cœur est composé d'autant de fer, la surface est si particulière par rapport au cœur. Effectivement, et Messenger a commencé à donner quelques explications sur la formation, sur des scénarios de formation de cette planète. BP Colombo a pour objectif justement de confirmer ou infirmer ces scénarios de formation de Mercure. Peut-être peut-on dire, Alain de Ressundéram, un mot justement de la surface. Comment est-ce qu'on sait, qu'est-ce qui nous a permis de comprendre que la surface était si pauvre naturellement en fer? De quoi d'ailleurs est composée la surface de Mercure? Quand on la regarde, on la compare souvent à la surface de la Lune. Oui, alors la mesure de la composition de la surface a été faite par Messenger, hein, qui est la sonde américaine qui était en orbite autour de la planète entre 2011 et 2015, donc avec un spectromètre X et gamma qui permet de déterminer la composition élémentaire, donc en atomes de la surface. On a effectivement constaté qu'il y avait un déficit d'éléments lourds et en particulier donc du fer. Et ça ne colle pas avec notre compréhension du processus de formation générale des planètes rocheuses. Alors si vous voulez, la planète Mercure, c'est un petit peu le chaînon manquant pour comprendre de façon globale et précise comment les planètes comme la Terre se sont formées. Donc en allant étudier Mercure, c'est pour mieux comprendre la Terre. On va vous mettre, hein, le lien. On avait fait une émission entière justement sur les origines du système solaire, où il y a beaucoup d'explications différentes, beaucoup d'hypothèses, beaucoup de théories. Et effectivement, quand on regarde et quand on commence à avoir un aperçu d'autres systèmes planétaires, d'exoplanètes, en général, plus on est proche de l'étoile, plus les planètes sont grosses. Or, dans notre système, eh bien, c'est pas du tout ça qui s'est passé, François Leblanc. Absolument, a priori. Mais bon, peut-être que aujourd'hui, les exoplanètes que l'on voit autour des étoiles, on les voit parce que justement, elles sont grosses. Mon idée personnelle, c'est qu'effectivement, pour l'instant, on n'arrive pas encore à voir les plus petites. Mais elles y sont, et il y en a certainement aussi, tout comme dans le système solaire. Les scénarios de formation du système solaire les plus classiques, c'est effectivement des géantes gazeuses, donc riches en hydrogène, qui se sont formées relativement loin de la planète. Il y a eu des phases de migration vers le Soleil, mais pas extrêmes au point d'être aussi proches de notre étoile que ne l'est Mercure. Le modèle du grand A, on va vous remettre le lien vers cette émission. Alors, quelles sont aujourd'hui les hypothèses? Parce qu'on va, il y a ce noyau, mais on va voir qu'on n'est pas tout à fait au bout de nos surprises. Quelles sont les hypothèses aujourd'hui sur qui pourraient expliquer la différence? Déjà, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui, il y a plus de doute sur la structure interne de Mercure. Peut-être un tout petit doute sur la nature ou non liquide, non pas de la graine, mais peut-être de la couche extérieure du noyau. Ça, on ne sait pas encore tout à fait, et ça va être intéressant pour autre chose, qui est la question de la magnétosphère. Absolument, absolument. Ça fait partie des grandes questions sur ce que vous venez d'évoquer, qui est effectivement le qu'est-ce qui induit cette magnétosphère que l'on observe, qu'on a observé grâce à Mariner 10 d'ailleurs, et effectivement comment est générée cette dynamo que l'on voit aujourd'hui. Donc quelle est la structure interne du noyau en termes de couche liquide à la surface du noyau, enfin du noyau principal, etc. Donc c'est vraiment ces questions-là qui sont à l'origine de tous nos questionnements aujourd'hui sur cette planète également. Alors peut-être il faut rappeler là aussi, faire de la comparaison avec les autres planètes telluriques ou non d'ailleurs, est-ce que aujourd'hui toutes les planètes du système solaire, Alain de Ressundéram, ont une magnétosphère ou pas? Alors c'est ça la grande question, et qui nous on essaie toujours de se ramener à notre propre planète. Pourquoi aller voir ailleurs? C'est pour mieux comprendre notre planète. Et il s'avère que Mercure est la seule des planètes telluriques à être dotée d'un champ magnétique. Et on sait ô combien ce champ magnétique est important pour la vie sur Terre. Or, ni Mars, ni Vénus n'ont de champ magnétique. Donc c'est un mieux comprendre la persistance de ce champ magnétique sur Mercure, c'est aussi mieux comprendre si notre planète va garder encore son champ magnétique pendant longtemps ou pas. On pense par ailleurs que Mars en a peut-être eu un, on ne sait pas, on n'est pas tout à fait sûr. Oui, on pense qu'il en a eu, mais il s'est arrêté. Donc le champ magnétique, c'est en fait parce qu'il y a un intérieur qui est liquide. Donc dans le cas, on comprend à peu près dans le cas de Mars, c'est parce que Mars est deux fois plus petite que la Terre, donc cette planète s'est refroidie. Donc très logiquement, s'il n'y a plus d'enveloppe, enfin de cœur liquide, il n'y a plus de génération de champ magnétique par effet dynamo. Or, Mercure est quasiment, est deux à trois fois plus petite que la Terre, donc un peu de la même ordre de grandeur que Mars. La question se pose, mais pourquoi Mercure a encore gardé cet intérieur liquide? Et donc ça relance le débat et puis ça repousse un petit peu les questions, parce que si c'est liquide, on peut peut-être comprendre pourquoi, si on y ajoute dans ce fer un peu de soufre. Mais si justement il y a un peu plus de soufre, là on se demande mais pourquoi il y a un peu plus de soufre par rapport aux autres planètes. Donc on n'en a pas fini et il nous faut des données. Il nous faut des données pour mieux comprendre, pour valider tel ou tel scénario. Pour l'instant on en a deux ou trois, mais on n'a pas suffisamment de données pour distinguer un plus que l'autre. Est-ce qu'il serait possible, parce que effectivement on lit certaines études qui pensent que le noyau de Mercure ne peut pas être assez chaud pour que le fer nickel soit sous forme liquide, donc soit il faut rajouter du soufre, ou soit peut-être il y a une autre hypothèse que je vous soumets, je parle sous votre contrôle, vous allez me dire ce que vous en pensez, l'idée qu'il puisse s'agir d'un champ magnétique résiduel. C'est quelque chose qui a été effectivement évoqué à une époque, mais j'ai le sentiment que à l'époque de Mariner 10, ça a été une question qu'on s'est posée parce qu'on avait, en gros, Mariner 10 s'est passé que trois fois à côté de la planète, et donc peu de données, peu de couverture spatiale autour de Mercure. Avec Messenger, on a quand même une idée nettement plus claire de la structure du champ magnétique autour de la planète, et ça ressemble réellement à une dynamo, ça ressemble pas vraiment à un champ crustal ou rémanent, du même type que ce qui existe sur Mars. Donc effectivement, cette hypothèse, je la vois moins plausible aujourd'hui et plus difficile à démontrer à partir des données de Messenger. Il faut peut-être rappeler à Alain Doré Sundiram que quand Mariner 10 percute, parce qu'il y a un effet de seuil avec les magnétosphères, le champ magnétique de Mercure, tout le monde est surpris. C'est-à-dire qu'au début, c'est limite si on se demande si c'est pas une erreur de lecture. Enfin, personne ne s'attendait à trouver un champ magnétique. Oui, c'est une surprise. En même temps, on a de gros doutes sur cette mesure. Comme le rappelle François Leblanc, c'est seulement trois passages. Hein, et puis pour avoir vraiment une confirmation que c'est un champ créé par un effet dynamo, il faut avoir une certaine symétrie. Voilà, il faut tourner autour pendant longtemps. Là, c'est que trois passages. Donc, c'est que Messenger qui, effectivement, a confirmé la structure de ce champ magnétique créé, bien symétrique, donc créé par un effet dynamo, donc du même type que celui de la Terre, donc a priori avec les mêmes mécanismes d'origine. C'est-à-dire de convection d'un noyau liquide, ferreux, ou en tout cas métallique, qui crée du coup un champ magnétique, comme on peut le décrire classiquement en physique. On peut quand même dire qu'il n'est pas complètement similaire à celui de la Terre, parce qu'il est assez asymétrique entre les deux hémisphères. Ce qu'a montré Messenger, c'est que l'équateur magnétique est à peu près un sixième décalé vers le nord par rapport à l'équateur gravitationnel de la planète. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des choses que, très honnêtement, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'explications pour expliquer cette asymétrie entre ces deux hémisphères. On parle, à propos du champ magnétique de Mercure, de version réduite du champ magnétique terrestre. Réduite, c'est juste une question d'intensité, ou c'est parce qu'effectivement il y a une autre question d'échelle autour de cela, Alain de Ressignan? Oui, tout à fait, c'est une question d'intensité. Le champ magnétique de Mercure, c'est 100 fois plus petit que celui de la Terre. Je parle sous le contrôle de François Leblanc, qui est un expert du champ magnétique. Oui, c'est 100 fois plus petit, donc c'est la plus petite magnétosphère du système solaire, effectivement. Cette magnétosphère, elle peut, en l'occurrence, avoir une sorte d'effet protecteur contre les vents solaires, contre quelque chose en particulier, elle a ce rôle, puisque grâce à Messenger et même à Mariner 10, on avait pressenti que la plupart du temps, le vent solaire est arrêté par cette magnétosphère, mis à part les cônes polaires, un peu comme sur la Terre, où on voit effectivement une partie du vent solaire pénétrer et atteindre la surface de cet objet. Mais la plupart du temps, sauf lorsqu'il y a des événements solaires très énergétiques, dont ce qu'on appelle les éjections de masse coronales, qui atteignent Mercure, la plupart du temps, l'équateur de la planète est protégé du vent solaire par cette magnétosphère. Les éjections de masse coronale, on en avait parlé justement pour l'émission que nous avions consacrée à Parker Solar Probe. Là aussi, on va vous remettre le lien si vous voulez vous refaire un petit lexique de l'étude de notre astre solaire. Et dans un instant, on va parler alors précisément de cette mission Bepi Colombo, des instruments sur lesquels vous allez travailler, et puis surtout de ce qu'elle va nous permettre d'apprendre et de mieux comprendre à propos de cette première planète de notre système solaire. Mercure, le passager ailé, c'est un extrait de Gustav Holst, en l'occurrence joué par le London Symphony Orchestra, puisque nous parlons de Mercure tout au long de cette heure. Nous en parlons avec Alain Doré Sundiram, qui est astrophysicien au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique de l'Observatoire de Paris, Université Paris Sciences et Lettres, et François Leblanc, astrophysicien, directeur de recherche au LATMOS, le laboratoire atmosphère, milieu et observation spatiale. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez tous les deux travaillé sur cette mission BepI Colombo sur différents instruments embarqués. On va justement parler de cette mission maintenant et de ses objectifs et de ses instruments. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, vous êtes intéressé à un instrument de bord qui s'appelle Sorbet, ce qui est une touche toujours un peu d'humour scientifique. Oui, mais c'est Sorbet pour spectroscopie, ondes radio et bruit électrostatique thermique. Donc on ne parle pas du tout ici d'entremets glacés qui ne contient pas de crème. Ce spectromètre, il va étudier dans le domaine radio l'interface entre la magnétosphère de Mercure et les vents solaires. Et ça, ça nous intéresse doublement, puisque tout d'abord, on va comprendre comment une petite planète comme Mercure, aussi proche du Soleil, et donc soumise à des vents solaires importants, a pu garder sa magnétosphère. Mais par extension, on va essayer de mieux cerner les effets de ces vents solaires qui peuvent, on le sait, perturber notre vie sur Terre et notamment nos installations électriques. Michel Moncuquet est astrophysicien et ingénieur de recherche au LESIA à l'Observatoire de Paris-Meudon. Il a piloté la fabrication de l'instrument Sorbet qui sera lancé à bord de la sonde MMO de la mission BepI Colombo qui s'envole dans 10 jours. La planète Mercure et son exploration n'avaient jamais été faites dans le domaine radio. Ça, c'est la première des choses. Et ce qui a été une grosse surprise en ce qui concerne Mercure, c'est l'arrivée de Mariner 10 en 74-75 avec trois survols. Un des survols, il avait un magnétomètre, s'est rendu compte que c'était une planète qui avait un champ magnétique intrinsèque. Qui dit champ magnétique disait magnétosphère. En plus, c'est une planète qui est vraiment très très proche. C'est la plus proche évidemment du Soleil. Et donc, on avait un laboratoire fantastique pour étudier une magnétosphère et la comparer à celle de la Terre, qu'on connaissait mieux, évidemment, avec des conditions très, et des paramétrisations très différentes. Dans le cas de Mercure, on a un observatoire pour observer le vent solaire qui vient frapper une petite magnétosphère et qui arrive, par exemple, si vous avez une éjection de masse coronale ou un certain nombre d'événements en provenance du Soleil, par l'intermédiaire du vent solaire, la magnétosphère peut être soufflée complètement. Et donc, avoir une observation in situ d'une magnétosphère comme ça, c'était un formidable laboratoire pour pouvoir faire de la planéto-comparée et puis éventuellement comprendre le vent solaire, son interaction avec un champ magnétique. Qu'est-ce que c'est que l'instrument Sorbet que vous avez développé et comment il s'intègre à la mission BepI Colombo qui va explorer Mercure? Sorbet, ça veut dire spectroscopie, ondes radio et bruit électrostatique thermique. Jusqu'à présent, on s'était servi de ces récepteurs surtout pour faire de la radioastronomie. Et au fur et à mesure qu'on a équipé des sondes comme Ulysse, comme WIN, encore une fois, comme Cassini, on s'est rendu compte qu'on pouvait très bien faire de la mesure in situ avec des antennes. Et cette mesure in situ, ça consiste à faire effectivement la spectroscopie du bruit thermique, c'est-à-dire de quelque chose qui est un courant qui est induit dans les antennes et qui est lié à l'agitation thermique des électrons qui entourent la sonde. Et ça, c'est assez remarquable parce que ça permet de faire une mesure des densités et des températures in situ. Une antenne électrique dans un plasma, ça a une vertu remarquable, c'est que ça rentre en résonance avec une fréquence particulière du plasma qui vous donne pratiquement sans calibration la densité. Donc, pour la première fois, on a fait un récepteur haute fréquence, non seulement pour faire de la radioastronomie, mais aussi on l'a dessiné, on a fait le design réellement pour mesurer et cartographier la densité et la température des électrons à Mercure et dans le vent solaire, et dans l'interface Mercure-vent solaire. Alors pourquoi ça nous intéresse justement de comprendre cette interface entre le champ magnétique de Mercure et les vents solaires ? On veut comprendre comment un champ magnétique intrinsèque d'une planète protège et résiste au vent solaire. On veut faire, en fait, un peu de météorologie de l'espace à Mercure. Alors vous allez me dire, bon, ça sert pas à grand-chose. En fait, c'est fondamental de comprendre avec des conditions qui sont différentes pour pouvoir savoir comment ça se passe aussi à la Terre. Dans le grand public, on sait aussi qu'il y a des accidents qui sont liés à des coups de tabac, en quelque sorte, de vent solaire, que la flottille maintenant de satellites qui tournent autour de la Terre peut effectivement être affectée. Et donc, dans cet ensemble, la mission BepiColombo, c'est à Mercure comprendre l'interaction d'une magnétosphère dans des conditions qui sont très particulières. Il faut savoir que le vent solaire, qui est un vent supersonique et extrêmement chaud et très très peu dense, est quelque chose qui n'est pas reproductible en laboratoire. Donc on a besoin du système solaire et de ses objets pour pouvoir tester. Donc Mercure était un candidat formidable et exotique d'un certain point de vue par rapport à ce qu'on connaissait aussi bien sur les planètes géantes que sur la Terre, une interaction qui nous permettra de comprendre mieux le vent solaire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour cette mission ? Eh bien, que je puisse voir les données en 2025, c'est très égoïste, mais bon. Et on peut nous souhaiter évidemment que le lancement soit nominal. On va avoir, en ce qui concerne PWI et donc Sorbet, la recette à Darmstadt. Ça consiste à regarder ce qui se passe au centre du Japon à Sagamihara, mais depuis le centre ESOC de Darmstadt, le 9 et 10 novembre. Donc on poussera un soupir de soulagement si on a comme prévu, on a des générateurs en vol de tests de fonctionnement, et puis après on peut nous souhaiter bon vent. Voilà le reportage sur cet instrument de bord intitulé Sorbet. Merci beaucoup Antoine Beauchamp. Une réaction peut-être l'un et l'autre, puisque vous maîtrisez parfaitement l'appareillage de cette mission BepiColombo, François Leblanc. On a tous un petit peu les mêmes angoisses, je dirais. C'est-à-dire qu'on a tous effectivement contribué et travaillé depuis beaucoup d'années sur un ou deux instruments sur cette mission. Et dans 10 jours, on lance. Effectivement, il y a déjà le lancement qui se passe nominalement. Et puis après, il faut qu'on s'assure que nos instruments n'ont pas trop souffert du lancement, justement. Et après, dernière étape, il y a 7 ans de voyage. Et il faut que, là aussi, nos instruments résistent tout ce temps-là, aux conditions solaires, à l'environnement spatial. Et donc, c'est qu'une fois réellement en orbite autour de Mercure qu'on pourra effectivement, donc en 2025, on pourra pousser un soupir de soulagement et commencer enfin à travailler sur les données qu'on a tant attendues. Alain de Ressundiram. Oui, on me dit souvent, c'est le projet de votre vie. Effectivement, j'ai commencé en 2004, donc on est en 2018, donc 10 ans, 14 ans pour livrer cet instrument et donc lancement en 2018, puis 7 ans, un quart de siècle, effectivement. Mais c'est un impondérable pour les missions spatiales, il faut concevoir depuis zéro, puisque rien n'existe. En l'occurrence, encore plus pour Mercure, on n'avait jamais été aussi près, en tout cas pour l'Agence spatiale européenne. Donc il a fallu tout construire depuis zéro, tous les instruments et surtout la sonde spatiale. Il y a eu beaucoup de défis à relever, de défis technologiques à relever pour l'industrie, d'où de nombreux reports. Et là, maintenant, on est fin prêt et j'espère évidemment que tout va bien se passer, mais le chemin est encore long. Une question peut-être un peu naïve, pourquoi s'être lancé dans cette mission BepiColombo finalement aussi peu de temps après Messenger, puisque Messenger a été lancé en 2004, est arrivé en 2011 jusqu'en 2015 et a été prolongé d'année en année. Alors on sait que les missions spatiales se développent chacune dans leur coin, mais en même temps vous connaissiez l'existence de Messenger. Pourquoi est-ce qu'il fallait y retourner aussi tôt, aussi vite, François Leblanc ? On a appris beaucoup de choses avec Messenger. On peut pas le nier. Les équipes américaines qui ont travaillé sur cette mission-là ont réalisé vraiment un travail exceptionnel. Le problème de Messenger, c'est que ça a été conçu comme quelque chose de rapide, pas trop cher, et donc on a mis des instruments à bord qui étaient des instruments qui avaient déjà volé sur d'autres missions, donc quelques années avant. Donc finalement, on s'est retrouvé avec une mission avec des instruments relativement peu adapté à l'environnement de Mercure, avec un point de mesure, donc un seul satellite autour de Mercure, et on se rend compte avec les données Messenger que on a une partie de la réponse, mais il nous manque quelque chose. Et donc on a vraiment beaucoup de motivation pour y retourner. On veut compléter notre cartographie de cet objet, en particulier du champ magnétique qu'on a évoqué tout à l'heure. On veut savoir comment ce champ magnétique est réellement conçu. Par exemple, Messenger, malheureusement, de par son orbite, n'a pu couvrir qu'un hémisphère. On a vu la planète a été proche de la planète que dans l'hémisphère nord, et l'hémisphère sud est globalement peu connu aujourd'hui, même si Messenger a tourné pendant 4 ans autour. Alain Doris-Nuram. Oui, bon, c'est pas tout à fait exact qu'on savait avant, en fait, parce que Baby Colombo, c'est antérieur à la mission Messenger, mais comme le disait François, c'est une mission à petit coût, c'est une mission de la gamme des Discovery, donc c'est plutôt, c'est 3 fois moins que le budget de Baby Colombo, donc forcément, il n'y a pas de miracle, on ne peut pas faire autant, et donc cette mission a été validée ensuite, et du coup, du fait de sa petitesse, elle a été conçue et rapidement envoyée vers Mercure. Mais c'est, comme le soulignait François, c'est une mission complémentaire, puisque grâce aux données, grâce aux résultats qui ont été acquis par la sonde américaine, on va pouvoir aller un cran au-dessus pour fouiller un peu plus profondément et relever les différentes interrogations qui subsistent encore sur Mercure. Ça fait partie des programmes de la NASA dont on parlait jeudi dernier pour fêter les 60 ans de l'Agence spatiale américaine, les programmes Better, Faster, Cheaper, c'est-à-dire des programmes très très peu budgétés, mais avec la volonté d'envoyer facilement, rapidement et à intervalles réguliers tout de même des sondes ou des engins dans l'espace. Alors on va parler de Baby Colombo, on l'a dit, il y a tout de même, il faut bien garder en tête, François Leblanc, qu'il y a deux orbiteurs distincts, MPO et MMO, qui n'ont pas les mêmes rôles, qui doivent se séparer à l'arrivée en orbite de Mercure. En fait, c'est aussi une illustration de la difficulté qu'avait Messenger. Messenger, évidemment, lorsque les Américains ont décidé cette mission-là, avait pour objectif à la fois de voir de cartographier la magnétosphère de Mercure, de regarder la surface, de regarder l'environnement le plus proche de Mercure. Et en fait, on se rend compte que, en faisant ça, on fait finalement la moitié du travail. Et donc, la solution que l'Europe et la JAXA, donc l'agence spatiale japonaise, ont trouvé, c'est d'envoyer deux satellites, un dédié spécifiquement à regarder la magnétosphère, et l'autre MMO, et l'autre MPO, dédié à cartographier la surface, donc à bien regarder la structure de la surface, la topographie, la composition de surface, et également l'environnement immédiat, c'est-à-dire aussi regarder la petite atmosphère que l'on sait être autour de Mercure. Et alors c'est intéressant parce que justement on dit pour aller un peu vite qu'il n'y a pas d'atmosphère sur Mercure, c'est pas tout à fait exact. Et d'ailleurs il faut presque pas employer le mot atmosphère. Il faut plutôt, il est plus correct d'utiliser le mot d'exosphère. Alain Doris-Nuram, qu'est-ce que c'est qu'une exosphère et de quoi on parle exactement? Alors une exosphère c'est une atmosphère mais tellement ténue qu'il n'y a quasiment pas de molécules, d'atomes dans cette atmosphère. Et en fait, elles ont plus de chances de rencontrer la surface de la planète que de se rencontrer entre elles-mêmes. Donc pour vous donner une idée de la pression, c'est 10 moins 14 bars. Un bar, c'est la pression atmosphérique sur Terre. Donc pour aller vite, effectivement, on peut dire qu'il n'y a pas d'atmosphère, mais les puristes comme François Leblanc diront qu'effectivement, il y a une petite atmosphère. Et physiquement, d'un point de vue physique, c'est extrêmement riche comme physique, puisque ça permet de mettre en exergue beaucoup de phénomènes, en particulier ces interactions entre le vent solaire et la planète, puisqu'il y a cet écran qui est l'exosphère qui interagit avec le milieu. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs comment est-ce qu'on peut la qualifier cette exosphère, François Leblanc, parce qu'à 10-14, on est à l'échelle nanométrique, donc on a vraiment effectivement une particule enfin, c'est très très très faible. Est-ce qu'on peut encore vraiment parler d'atmosphère? Et qu'est-ce qu'on va chercher à étudier? Quelles sont ces particules ou ces atomes qui constituent ces exosphères? D'où ils viennent? Est-ce qu'ils sont arrachés à la surface? Est-ce qu'ils sont présents malgré tout? Pourquoi est-ce qu'ils ne s'enfuient pas? Ils ne s'échappent pas dans l'espace? En fait, on pourrait répondre à cette question en détournant un petit peu la question, en disant à quoi ça sert de regarder cette atmosphère très très peu dense. En fait, c'est pour moi un traceur. Donc, à l'intérieur de cette atmosphère, on a beaucoup de signatures. On a les signatures d'abord de la surface, c'est-à-dire que cette matière que l'on voit autour de Mercure est éjectée depuis la surface. On a le Soleil qui est très proche, donc et comme l'a dit Alain tout à l'heure, c'est une surface qui est extrêmement chaude, donc qui va s'évaporer. En plus, il y a le vent solaire qui va impacter la surface directement, et là, va aussi éjecter de la matière. Et donc, c'est fondamentalement une signature de la composition de surface. Donc, ce qu'on va chercher à comprendre, c'est la composition de cette atmosphère et essayer d'en déduire celle de la surface, cette partie qui est en permanence éjectée depuis la surface. Et l'autre signature qui est très intéressante, que l'on voit depuis la Terre, en fait, on voit l'atmosphère depuis la Terre même, en utilisant des outils assez spécifiques et assez qu'on ne trouve pas dans le commerce, mais on voit cette atmosphère, et ce que l'on voit depuis la Terre, c'est des signatures de l'interaction entre le vent solaire et la magnétosphère de Mercure, c'est-à-dire on voit des structures qui pourraient ressembler à des aurores, qui n'en sont pas. Pas spécifiquement, pas au sens puriste de la définition qu'on utilise sur Terre, mais qui sont effectivement des signatures de la pénétration du vent solaire dans la magnétosphère de Mercure, de son impact à la surface et de l'éjection localement d'une partie de la matière de la surface de Mercure qui forme des surdensités à haute latitude que l'on voit lorsque c'est éclairé par le Soleil depuis la Terre. Donc ce ne sont pas des aurores, parce que là on parle d'aurores boréales ou d'aurores qui sont ces phénomènes qui sont liés à des éjections de masse coronarienne qui réinteragissent en boucle avec la magnétosphère terrestre, mais qu'on voit aussi sur Jupiter, qu'on voit aussi sur d'autres planètes non telluriques. Là, ça veut dire que concrètement, on n'a pas ces phénomènes visuels-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de phénomènes d'ionisation, parce que l'exosphère est trop ténue, c'est cela? Absolument, comme l'a dit Alain, c'est les particules sur Terre, ce qui se passe simplement, c'est que les particules donc, de la magnétosphère qui sont accélérées et qui précipitent dans l'atmosphère terrestre vont impacter les molécules de l'atmosphère terrestre et produire l'émission que l'on voit. Sur Mercure, l'atmosphère est si peu dense que ces particules pénètrent toute l'atmosphère et en fait sont arrêtées uniquement par la surface. Donc ce qu'on voit, c'est vraiment le fait que localement, on a plus de matière dans l'atmosphère et l'éclairement du Soleil qui réfléchit par cette matière, c'est ce que l'on voit depuis la Terre. Autre but de cette mission BEPI Colombo, c'est aussi l'observation de la surface. Et alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y a a priori pas de tectonique de surface sur Mercure, et pourtant le refroidissement de la planète entraînerait des craquelures que l'on trouve qui sont de formation plus récente, c'est-à-dire qui n'auraient pas été créées par des impacts avec des géocroiseurs, Alain Doré-Soundira. Oui, on remarque sur la surface de Mercure, ce messenger l'a vu et l'a cartographié précisément, de grandes cicatrices, de grandes craquelures qu'on appelle des escarpements lobés qui balayent la surface sur des centaines de kilomètres. Alors c'est pas un scoop, on voit aussi ailleurs dans le système solaire, mais pas à ce point aussi développé et étendu. Ça questionne les scientifiques, notamment sur l'origine de ces structures-là, et sans doute c'est la manifestation d'une contraction rapide de la planète qui a rétréci en fait de quelques 10 kilomètres. Et donc la surface n'a pas suivi. C'est un petit peu comme une vieille pêche fripée, voilà, dont la peau s'est complètement affaissée. Et donc en même temps, pour les scientifiques, c'est un moyen de retracer l'histoire thermique, le refroidissement de cette planète, comment elle a évolué dans le passé. Il peut y avoir un lien entre ce refroidissement, ces craquelures, et finalement l'aspect liquide d'une partie du noyau. Alors on ne va pas parler de manteau, parce qu'a priori il n'y a pas de manteau, mais en tout cas de l'aspect liquide de l'intérieur d'une partie de la planète, François Leblanc. Ce que je dirais, c'est que c'est des signatures de l'évolution de Mercure. En fait, Mercure, ce que l'on peut soupçonner, c'est pas la, le Mercure que l'on voit aujourd'hui, c'était pas le Mercure qui du début du système solaire. Et on voit cette évolution-là, et c'est vraiment ça ce qu'on cherche à comprendre au niveau de Mercure, c'est comment cette planète a évolué au cours de son histoire, et évidemment pour remonter sur la période de formation de cet objet. Alors si on en revient, parce que c'est tout de même la grande question aujourd'hui, alors c'est évidemment difficile de tirer des leçons avant même le lancement de la mission Bepi Colombo, mais c'est tout de même vraiment certainement l'une des énigmes qui passionne le plus les scientifiques et que l'on cherche à résoudre, c'est de savoir ce qu'il a pu se passer au tout début, d'en apprendre un peu plus sur l'origine de notre système solaire, de cette formation des planètes telluriques et donc de l'explication de cet important noyau de fer qui aurait migré complètement au centre. Je crois à l'un des Rossignol, qu'il y a plusieurs hypothèses tout de même que l'on peut examiner pour comprendre cette structure si particulière de Mercure par rapport aux autres planètes telluriques. Alors oui, comme je le disais, il y a plusieurs hypothèses, mais on ne sait pas les distinguer. Donc parmi ces hypothèses, il y a effectivement peut-être un impact géant qui explique la formation de la Lune pour la Terre, qui aurait pu dégarnir la planète de son manteau et de sa croûte en ayant laissé un noyau prépondérant. Mais c'est pas le seul, ça peut être aussi des différences de température qui ont pu peut-être aussi volatiliser les éléments plus légers. Il y a comme ça deux ou trois scénarios, mais on ne sait pas pointer précisément sur lesquels est le plus à même d'expliquer ce qu'on a. Quels sont aujourd'hui, outre ce que l'on vient de décrire, quelles sont aujourd'hui les conclusions, ou en tout cas les premiers éléments d'observation, d'études, les premiers relevés que vous allez surveiller étroitement avec passion et impatience, François Leblanc, sur ces deux sondes MPO et MMO. Alors si vous parlez de mes intérêts, de mes questionnements personnels, c'est effectivement, moi je suis très intéressé par la composition de l'exosphère. Donc j'ai passé beaucoup d'années à l'observer depuis la Terre, d'ailleurs avec mon collègue ici présent, et je dois dire que depuis la Terre, on voit des choses, mais on reste très frustré évidemment de la difficulté que c'est d'observer l'atmosphère de Mercure depuis notre planète. Et donc ce que j'attends, c'est de voir, grâce aux instruments qu'on a fabriqués, en particulier le spectromètre ultraviolet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, de voir la composition de l'atmosphère de Mercure, sa structure spatiale, parce que c'est pas du tout, comme on l'a dit, ça ne ressemble vraiment pas à une atmosphère, donc spatialement c'est très structuré. On a des zones des surdensités à certains endroits. On a des asymétries entre le matin et le soir sur certains composants. Et en fait, ce que j'ai l'habitude de dire lorsque je décris l'atmosphère, c'est qu'on a autant d'atmosphère que d'espèces chimiques autour de Mercure. C'est-à-dire que chaque espèce chimique va reconstituer une atmosphère en soi propre, et de par le fait qu'il s'agit une exosphère, ces espèces chimiques n'interagissent pas entre elles et donc sont libres de se déplacer les unes par rapport aux autres. Et donc c'est ça la difficulté aussi de comprendre l'atmosphère, c'est qu'il faut qu'on observe toutes ces atmosphères autour de Mercure. Et pour votre part, Alain Doris-Mundiram ? Alors moi je suis spécialiste des surfaces, même si j'aime bien aussi les exosphères, parce que j'ai beaucoup observé avec François, justement aux Canaries, avec le télescope solaire Témis. C'était de bonnes, des souvenirs mémorables d'observation en plein jour, en essayant de dénicher la lueur de Mercure dans la clarté du soleil. Alors je m'intéresse particulièrement à la surface de la planète, savoir de quoi elle est faite, de quelle composition elle est faite, et j'ai beaucoup travaillé, donc je suis un des responsables d'un spectromètre sur la mission, qui fait partie d'un ensemble de caméras qui s'appelle Symbiosis. Donc ce spectromètre va cartographier la composition de Mercure. Et ça n'a jamais été fait. MESSENGER n'avait pas les capacités technologiques pour le faire. Et contrainte donc de la composition de Mercure, ça sera une façon d'en savoir un peu plus sur son histoire et son évolution. Il y a beaucoup de questions, en particulier Mercure. On a vu que c'est un noyau de fer dépourvu à la surface de fer et en même temps riche en volatiles. Donc on va essayer de caractériser les minéraux qui sont à la base de cette surface. Et cette surface, on a aussi constaté qu'elle était très sombre, ce qui est aussi bizarre. Donc il y a aussi des scénarios, peut-être un océan de carbone qui a persisté depuis sa formation, ou alors peut-être un apport de comète. Donc toutes ces questions sont encore en suspens. Et MESSENGER a révélé, en fait, pourtant cette planète est complètement carbonisée par le Soleil, hein, 430 degrés côté jour, MESSENGER a révélé des zones, des structures irrégulières qu'on appelle des holoses, donc des structures qui semblent être complètement actives. Donc il y a quelque chose qui est en train de sublimer. Des holoses, c'est-à-dire des creux, en voilà, fait. Voilà, des creux plutôt brillants et bleus, irréguliers. Donc c'est pas des cratères, c'est pas des volcans, mais MESSENGER ne sait pas du tout, n'a pas pu savoir de quoi c'est fait, et Baby Colombo pourra en savoir un peu plus sur ces formations, une formation qui est finalement est active. Et dans lesquelles il ferait très froid, c'est ça? Non, il fait pas froid. C'est des zones où la matière sublime, mais on ne sait pas par quel processus. Les zones très froides, ça c'est aussi une autre question que pourra aussi révéler, percer la mission, c'est des cratères polaires au fond desquels il semblerait qu'il y ait de la glace. Donc de la glace qui a perduré pendant des milliards d'années. Comment c'est possible ? De la glace d'eau, semble-t-il. Mais ça sera aussi une confirmation à avoir par la mission. Mais c'est le point de, où on pense qu'il y a de la glace d'eau. C'est corrélé avec les endroits où il n'y a jamais aucun rayon du soleil qui atteint le fond de ces cratères. Donc c'est possiblement, effectivement, de la glace d'eau. Et là, ça serait une chance, puisqu'on a de la glace d'eau qui est restée comme ça, intacte, indemne, depuis les origines. Quel est, il nous reste quelques secondes pour conclure, quel est aujourd'hui le rétro-planning ? Vous allez partir pour le lancement de Baby Colombo, donc prévu le 19 octobre, le 20 octobre au matin, ici à l'heure française. François Leblanc ? Oui, on va partir en fin de semaine, fin de cette semaine, pour préparer le lancement. On va aussi, sous la direction d'Alain, faire quelques interventions dans des écoles pour présenter justement le contexte de la mission. En Guyane ? En Guyane, absolument. Ah oui, le lancement a lieu à Kourou. Le lancement ayant lieu à Kourou. On va là-bas pour justement suivre les dernières phases de cette mission avant son lancement. Oui, voilà, je pars aussi comme François, et j'ai à cœur effectivement de partager ces savoirs, de communiquer avec les jeunes. C'est pour ça que j'ai un projet d'aller dans les écoles qui s'appelle Planète en Guyane, d'y aller par binôme de scientifiques, ingénieurs, chercheurs, pour montrer aux jeunes la richesse de ce métier, la diversité culturelle, puisqu'on va y aller avec des Japonais, des Allemands, puisque c'est un projet international, et montrer aussi cette diversité des métiers. Et bien voilà, les écoliers guyanais vont avoir la chance de vous voir et d'avoir des leçons particulières sur cette mission et sur Mercure. Merci beaucoup en tout cas tous les deux d'être venus. Merci beaucoup François Leblanc, merci Alain Doré-Soundira, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Tom Mdensaok, Eve Etienne, Nominé Guette-Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Emmanuel Morse-Duncan à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain nous parlerons, j'ai un trou de mémoire, mais c'est pas grave, on se retrouvera demain de toute façon. Si, mais bien sûr que si, demain nous allons parler d'éthique numérique, de savoir si à l'heure de tout internet, à l'heure où nous passons notre vie en ligne, il serait bon à un moment donné de réinjecter un peu d'éthique là-dedans. Qui, comment, par quels moyens? Eh bien on en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.